ta si kim me pepli. Oh oh oh ya kwane stande du le kako. Interdit dans les casinos. Oh oh oh ya yeah. Il vit sa vie comme une revanche. Un samouraï à la peau blanche. Tova, tova, tova. C'est pour lui que je me bats. Oh oh oh ya yeah. Tova, tova, tova. La passion au bout des doigts. J'ai dit.